Vivant de Leslie Menahem. Épisode 1, Blanche. 1er mai. Et j'ai envie d'une page blanche. Blanche comme neige. Blanche comme le néant. Comme la naissance. Je me réveille et je veux du blanc. J'appuie sur mes paupières pour que les couleurs changent. Je vois du rouge et du vert. J'appuie encore. Et ce sont de grosses taches noires que je vois. Des taches noires qui grandissent, qui avancent et qui se multiplient comme des cafards. 30. Il y en a 30. Merde. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, j'étais en train de faire un cauchemar. T'es blanche ? Ah bon ? Tu te sens bien quand même ? Oui, ça va. Laisse-moi le temps de me réveiller. Di-di-di-di-dam-dam. Di-di-di-di-dam-dam. Di-di-di-di-dam-dam. Di-di-di-di-dam-dam. C'est fou cette façon que tu as de te réveiller d'un coup, toi, à chaque fois. Je suis en pleine forme. Je sais pas comment tu fais, hein. Joyeux anniversaire. Non. Joyeux anniversaire. Non. Je me sens excité comme un puceron, je vais prendre ma douche. Allô ? Ma chérie, tu as 30 ans. Comment tu te sens ? J'ai le cafard. Mais non. Nuit noire. On va se faire un hammam aujourd'hui. On va laver tout ça. Ça a changé quelque chose pour toi ? Tu te sens différente ? Bien sûr. Mes seins tombent. J'ai perdu 2 dents. J'ai de l'arthrose. Je suis sourde d'une oreille. J'ai des vertiges. Et mes fesses sont pleines de cellulite. Je m'en doutais. Allez, ça ne change rien. Rien du tout. Quelle heure pour le hammam ? 15h. À tout à l'heure ? Bon, à tout à l'heure. Qui est-ce ? C'est maman. Je suis venue t'apporter tes fleurs préférées. Du muguet pour ma petite poupée. Oh, merci, mais écoute, je viens de me réveiller et là j'allais prendre ma douche. Et en fait, Tom est en train de... Je me souviens du jour de ta naissance, ma petite biquette. Bon, allez, monte. C'est moi. Oh, Tom. Bonté divine. Maryse. Maman ? Mais t'aurais pu frapper. Tu avais laissé la porte ouverte. Mais je l'ai laissée entrouverte pour que tu puisses frapper, puis entrer. Excuse-moi, mais si tu laisses une porte entrouverte, ça veut dire qu'on peut entrer. Tom, je vous ai apporté des croissants. Merci, Maryse. Bon, je vais enfiler un peignoir. Vous êtes toujours dans le secourisme ? Je vais enfiler un peignoir, si vous voulez bien. Vous savez, j'en ai vu d'autres. Maman. Il est bien dans le secourisme, c'est ça ? Oui, enfin, il est bénévole pour la Croix-Rouge à ses heures perdues. Sinon, il est chimiste. Bon, maman, merci pour le muguet, ça sent très bon, c'est très gentil, et je t'aime. Mais là, je viens de me réveiller et j'ai pas très bien dormi. Je vais te faire un lait chaud et puis je m'en vais. Je regarde le lait chaud bouillir dans la casserole en aluminium et j'observe les petites bulles se former. Minuscules. Blanches les bulles. Le bâton de cannelle flotte en surface, comme une petite barque en bois, un peu instable, prête à couler. Prête à disparaître sous l'écume qui gonfle. Il y a l'odeur de mes souvenirs qui me chatouille le nez, tandis que je soulève la casserole pour ne pas que le lait déborde. Du blanc partout. Tu as bonne mine, tu sais. Merci bien. Tu pensais que tu y arriverais ? À avoir 3 gosses ? Oh non. Ça, je m'y attendais pas du tout. Non, aux 30 ans. 3 fois 10. Ben non. Moi, je voulais mourir avant. Pour la gloire, comme Kurt Cobain, Janis Joplin, Otis Redding. Et puis, j'ai 15 fois fantasmé ma mort. Je vous imaginais tous à mon enterrement, noyés dans vos larmes, me rendant hommage, vantant mes qualités, ma beauté, ma bonté d'âme. Blanche. Blanche, la vapeur du hammam qui m'enveloppe dans un doux nuage parfumé. Tandis que je pense à Tom sous la douche. Tom avec sa peau noire et soyeuse qui m'étreint avec force. Le gant de crin arrache mes peaux mortes et me brûle. Je mue, comme un serpent. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Vas-y, souffle. Allez, on traque à tes 30 ans. Et c'est le jeu des personnalités. Alors maintenant, c'est parti. Hein. Laura, tu poses des questions et on te répond par oui ou non. Ok. Ok. Mais tu dois deviner qui tu es. D'accord. Bon. Ok. Attends, il faut lui coller le post-it sur le front. Ah bah oui, forcément. Attends, tu bouges pas, tu regardes pas. Voilà. Ok, voilà. Bon. Alors, est-ce que je suis une femme ? Non. Donc je suis un homme ? Oui, non. Mais non. Si. Bah oui ou non ? Pourquoi Bao dit non ? C'est un homme ? Pas vraiment. C'est un personnage de sexe masculin. Tu en dis trop ! Je suis méchant ? Oui. Oui. Est-ce que je tue des gens ? Oui. Oh là là, mais qu'est-ce que vous m'avez choisi ? Allez, continue ! Est-ce que je sors d'un bouquin ? Oui. Tu chauffes. Est-ce que je suis dans un film ? Oui, tu es même dans plusieurs films. Alors attendez, je suis un homme, je suis méchant, je suis dans les livres et dans les films. Allez, attendez. C'est facile ! Ah, Barbe Bleue ? Non. Jafar dans Aladdin ? Pas du tout, tu aimes le sang. Oh, enfin, Marie, chut, c'est pas vrai. Ah, bah facile, c'est Dracula. Dracula, mais bravo. J'ai enfilé ma cape et je suis sortie dans la nuit avec ceux que j'aime. Blanche la nuit. Blanche comme l'éternité. C'était Vivant de Leslie Menahem. Épisode 1, Blanche. Avec Laura, Leslie Menahem. Tom, Mexianou Médénou. Sophie, Aline Lebert. Maryse, Brigitte Barillet. Bao, Slimane Yefsa. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Éric Boisset et Lidoune Caron, assistante à la réalisation Clémence Grosse, réalisation Sophie Haute-Picon.